Okay, Maharaji, now let's pay homage, Lord, together. Okay. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambo Tassa. Na Parabrahma. Param Nikubeta. Nati manieta katachinam kinchi biarosana patigasanya nanya manyasa dukkha micheya. Que nulle part personne ne trompe ni ne méprise qui que ce soit par le corps ou la parole, que nul n'agresse ou n'insulte. Dans la haine ou la colère, que nul ne souhaite de mal à autrui. Ce paragraphe que nous venons de lire est très important, car il concerne la vie de tous les jours. C'est la pratique proprement dite qui est en fait plus difficile que la théorie. Mata yata niyam puta. Mayusa ekaputa manurake ewampi sababutesu manasam bawaye aparimanam. Ainsi qu'une mère protège son unique au péril de sa vie, ainsi avec un amour sans limite doit-on chérir tous les êtres. Dans ce paragraphe, il est question de l'intention qu'on doit avoir dans l'esprit lorsqu'on pratique metta. Imaginez un couple qui est marié depuis quelques années et qui s'efforce d'avoir un enfant. Et là, cet enfant n'apparaît pas. Après quelques années, enfin, l'enfant tant désiré apparaît. La mère va alors le protéger comme s'il s'agissait de sa propre vie. Et donc, lorsqu'on pratique metta, on devrait avoir cette même attitude mentale, cette même intention à l'égard de tous les êtres. Il faut les voir comme s'ils étaient notre enfant tant désiré. Pensez-vous que ce soit possible d'aimer tous les êtres vivants avec cette même qualité d'amour, comparable à celui d'une mère pour son enfant unique, tant désiré? Le Bouddha n'avait qu'un enfant, Rahula, il l'aimait avec cette qualité d'amour. Il aimait tous les êtres avec cette même qualité d'amour. Pensez-vous que ce soit possible pour vous? Au moment de son illumination, le Bouddha avait obtenu l'œil divin, l'oreille divine. Il était donc capable de voir toutes ses vies antérieures, d'entrer en contact avec tous les êtres vivants dans l'univers tout entier, de les entendre à volonté. Et donc, il avait lui-même eu un enfant avant de renoncer. Cet enfant s'appelait Rahula et il l'aimait beaucoup. Et donc, étant capable d'entrer en contact avec tous les êtres vivants, que ce soit dans le passé ou à son époque, il les aimait de la même qualité d'amour que son fils Rahula. Nous aussi, nous avons des familles, nous avons des parents, nous avons des enfants. Et nous avons repris naissance à de très nombreuses reprises dans le samsara, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres célestes, en tant que fantômes, en tant qu'esprits, en tant qu'animaux, etc., dans les 31 plans. Et donc, nous avons chaque fois eu des familles que nous avons aimées. Le Bouddha a compris cela et donc nous demande d'aimer la totalité des êtres avec cette même qualité d'amour. Comment serait-il possible d'avoir cette qualité d'amour envers tous les êtres, étant donné qu'il pouvait voir avec son œil divin toutes ses vies antérieures et tous les êtres? Le Bouddha a donc compris que nous sommes tous parents. Au cours de notre très longue errance dans le samsara, nous sommes entrés en contact avec beaucoup d'êtres. C'est un petit peu comme quelqu'un qui voyagerait. Parfois il voyage en train, parfois il voyage en avion, parfois en bateau, parfois à pied. Et au cours de tous ses voyages, il entre en contact avec des tas de gens. Il rencontre des tas de gens. De la même façon, nous qui errons, qui voyageons dans le samsara, au cours de nos innombrables vies antérieures, nous avons rencontré énormément d'êtres. C'est pour cela que dans le bouddhisme, on dit que personne n'est étranger à qui que ce soit. Nous sommes tous de la même famille du samsara. Nous nous sommes tous déjà rencontrés au cours de l'une ou l'autre de nos existences précédentes. Et donc, gardant cela en mémoire, il devient possible dès lors d'aimer tous les êtres comme une mère qui aime son enfant unique. Tout simplement parce que nous avons déjà été parents ou enfants de tous ces êtres. Le Bouddha lui-même pratiquait les quatre humanités, c'est-à-dire metta l'amour bienveillant, karuna la compassion, mudita la joie sympathique et upekkha l'équanimité envers tous les êtres, comme ils étaient ses propres enfants. Il se demandait toujours comment pouvoir aider les autres, comment leur venir en aide. Il leur envoyait de l'amour s'ils étaient heureux, il leur envoyait de la compassion s'ils étaient malheureux, il se réjouissait de leur succès s'ils en avaient, et il était capable de pratiquer l'équanimité ou upekkha s'il constatait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour ces êtres. Et donc, il adaptait sa pratique en fonction des circonstances. Qu'en est-il de ces ennemis, de ces êtres que l'on n'aime pas? Comment faire pour leur envoyer metta? Il est fort possible que nous ayons des êtres que l'on n'aime pas, que ce soit dans notre propre famille ou au bureau ou dans la société. Il faut veiller à ne pas leur envoyer metta dès le début. Il faut commencer par envoyer nos pensées bienveillantes à la totalité des êtres, parcourir l'ensemble de ces êtres, et à la fin seulement, on dirige notre attention vers ces personnes qu'on n'aime pas. Mais on ne va pas s'en rapprocher trop, et de loin, on leur envoie des pensées bienveillantes. Il faut essayer de le faire tous les jours, mais toujours à la fin de notre pratique. Essayons de nous brancher sur ce qu'il a de meilleur et souhaitons-lui de mieux nous comprendre. Acceptons également qu'il ait sa façon de vivre et qu'il ait ses propres conditionnements. Essayons de nous montrer tolérants par rapport à cela. Essayons de le comprendre. Il faut essayer de se souvenir de ces personnes même si on ne les aime pas. Il faut leur envoyer metta de cette façon. Nous allons ainsi, petit à petit, réussir à leur pardonner. Et si nous réussissons à leur pardonner, notre cœur sera en paix. Un jour ou l'autre, il est fort possible que cette personne change d'attitude et qu'elle nous accorde ne fût-ce qu'un sourire. Nous allons nous regarder dans un miroir et si nous sourions, nous verrons quelqu'un qui sourit. Si nous sommes fâchés, nous aurons une expression dure et désagréable et nous allons retrouver cette même expression dure et désagréable dans le miroir. Nous devons donc nous souvenir que dans la société, nous allons recevoir en retour ce que nous envoyons aux autres. Si nous leur envoyons un sourire, nous verrons un sourire sur leur visage. Si nous nous montrons hospitaliers avec eux, ils nous rendront l'appareil. Si nous sommes doux, polis, pleins de métta, ils nous rendront l'appareil. Par contre, si nous sommes fâchés, si nous sommes pleins de colère, ils nous rendront l'appareil également et nous enverrons eux aussi de la colère et de la méchanceté. Donc il faut voir les choses de cette façon. Si nous ne donnons rien, nous ne recevrons rien. Il faut donc commencer par soi-même. Essayons d'adopter une nouvelle attitude, de nous changer nous-mêmes d'abord. Si vous voulez la paix, eh bien, il vous suffit de pratiquer metta. Vous efforcez de pratiquer cette méditation, d'envoyer constamment des pensées bienveillantes à votre entourage immédiat et aux personnes qui se trouvent plus loin. Vous devez le faire non seulement dans le cadre de la méditation, donc le metta mental, mais vous devez également le faire d'un point de vue pratique lorsque vous êtes impliqué dans une relation avec d'autres êtres. Lorsque vous rentrez en contact avec d'autres êtres, d'autres personnes, que ces êtres font partie de votre famille du samsara, vous les avez déjà rencontrés au cours de vos existences précédentes. Gardant cela en mémoire, il devient beaucoup plus facile pour vous de leur envoyer une qualité d'amour qui ressemble à celle de la mère pour son enfant unique. On lit le paragraphe suivant. Metam cha sabalokasmin manasam bawaye aparimanam udam adocha tiriyancha asambadam awera masapatam. Libre de toute colère et ennemi extérieur, qu'il cultive un esprit d'amour bienveillant illimité qui imprègne le monde entier, en haut, en bas et à travers. Dans ce paragraphe, il est question d'envoyer un amour illimité à tous les êtres dans l'univers tout entier. Alors voyons mot par mot la traduction. Métan veut dire amour bienveillant, méta. Saba lokasmin, saba veut dire tous, lokasmin, monde, tout le monde. Manasam, c'est l'esprit. Bawaye, c'est appliquer, développer. Et aparimanam veut dire illimité. Donc, il s'agit ici de commencer par se brancher sur la totalité des êtres dans l'univers tout entier, ouvrir son cœur et son esprit à l'univers tout entier et envoyer à tous les êtres qui vivent partout dans l'univers cet amour bienveillant, ce metta. La phrase suivante, Udam adocha tiriyancha. Udam veut dire en haut, ado veut dire en bas, tiriyan veut dire les huit directions. Nous avons déjà pratiqué le métta directionnel hier. Nous avons vu qu'il y avait au total 10 directions. Ici, ces 10 directions sont présentes puisqu'il s'agit d'abord d'envoyer aux êtres qui vivent en bas, puis aux êtres qui vivent en haut, et puis aux êtres qui vivent dans les 8 directions. La dernière phrase, Asambadam Awera Masapatam. Asambadam veut dire sans omission. Nous devons envoyer notre metta sans aucune omission à tous les êtres, même si nous ne les aimons pas. Awera, ça veut dire sans ennemi. Donc, nous devons adresser notre metta à la totalité des êtres sans avoir ni colère ni ennemi extérieur. Dans ce paragraphe, il est question du champ d'application de notre métta. On explique quel est le champ d'application. Le champ d'application, c'est la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. On commence par des êtres qui nous sont plus proches, comme nos amis, nos parents, nos voisins, mais on termine toujours par la totalité des êtres dans l'univers tout entier. C'est un amour infini, illimité. Il faut élargir son cœur et son esprit de façon à englober la totalité des êtres vivants partout dans l'univers. Il ne faut qu'il y ait aucune omission. Medencha sava lokasmei. Manasam bawaye aparimanam. Udam adocha tiriyancha. Asambadam Awera Masapatam. Libre de toute colère et ennemi extérieur, qu'il cultive un esprit d'amour bienveillant illimité qui imprègne le monde entier, en haut, en bas et à travers. C'est de cette façon que nous devons pratiquer Metta. Nous devons avoir un état d'esprit très ouvert, une attitude mentale particulière, celle d'une mère pour son unique enfant, et nous devons appliquer cette qualité d'amour à la totalité des êtres dans l'univers tout entier. Nous avons donc vu aujourd'hui l'intention dans laquelle on doit pratiquer et le champ d'application. Matayata Niyamputa Mayusa Ekaputa Manurake Ewampi Sababutesu Manasam Bawaye Aparimanam. Ainsi qu'une mère protège son enfant unique au péril de sa vie, ainsi, avec un amour sans limite, doit-on chérir tous les êtres. Today, you studied two attention for Medabhavana and the fee for Medabhavana for studying this Meta, also for applying this. During meditation time, may all of you be well, happy, peaceful, successful, and long life. Sadhu, sadhu, sadhu.